très bien. Nono, Cromoni et José, avec le chef de bande, ça a bien, très bien démarré. Je vous remercie à tous d'être présents. Très bien. Et à notre animateur, à côté, que je remercie beaucoup.